marché. J'ai repensé à ma vie, au rêve que j'avais de me marier. Finalement je crois que je vais mailler. De toute façon j'ai plus rien à donner. Mon cœur est vite condamné. Je suis en isolement, à l'écart du monde solitaire à plein temps. Océan de problèmes, je navigue sous le vent. Je prends la paix, pas la guerre, je lève le drapeau blanc. Tout le monde veut se faire la belle. Loin des vices du système. Y'a plus trop de sentiments. Tout pour l'argent, y'a plus de régimes. Tu veux s'en sortir, mais on essaye de long. À chaque opportunité, moi je peux pas dire non. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'attendent au tournant. Dans le bâtiment. Tu veux s'en sortir, mais on essaye de long. À chaque opportunité, moi je peux pas dire non. Qui m'attendent au tournant. C'est pour la vie ou la nuitée. Pas comme donc, pas invité. Trop cérébral pour cette vie. Pas de love, pas d'amis. Trop loin de l'humanité. Pas le choix dans la vie. C'est soit t'es normal, soit t'es de ceux qui ont du mal à vivre. Nos rêves de gosse, au final resteront des rêves. Tout est éphémère et tout passe un jour, m'a dit ma mère. J'ai mal à l'âme, j'ai mal au cœur. J'ai besoin de voir un docteur. Oui, je les ai aimés fort, mais ils ont disparu comme Potter. Je leur en veux pas. Je suis devenue forte grâce à eux au final. Dans le bâtiment, tu veux te s'en sortir, mais on essaye de long. À chaque opportunité, moi je peux pas dire non. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'attendent au tournant. Dans le bâtiment, tu veux te s'en sortir, mais on essaye de long. À chaque opportunité, moi je peux pas dire non.